Cette dernière édition du mois de septembre, et puisque l'automne est présente et qu'elle nous apportera sous peu la brutalité de l'hiver, eh bien moi aussi ce soir, je serai brutal en débutant cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation. Mais nous ferons une pause avec les présentations de l'album marquant qui se porte sur une musique un peu plus en finesse et cérébrale, pour par la suite poursuivre l'amputation et cautériser le tout à la flamme, bien moyenâgeuse. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque ces pratiques médicales font passer celles du Moyen-Âge pour des pratiques des plus avant-gardistes et révolutionnaires. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. C'est fou, 89.1. Jeudi le 2 octobre prochain, 20h, le Nord-Ouest Café reçoit sur ses planches Clément Jacques pour un spectacle folk contemporain imprégné de country. En première partie, The Listen Be Project. Prévente 10$, 15$ à la porte, plusieurs spéciaux sur la 50. Pour une soirée folk et blues, ne manquez pas Clément Jacques et The Listen Be Project ce jeudi 2 octobre au Nord-Ouest Café. Jeudi matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFOU. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Fou de spectacle. Spectacle. C'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation en ce 30 septembre de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Ce soir, chers petits amis, ce soir, vous autres là-bas, c'est une présentation d'album marquant et présentation d'un album d'une formation germanique allemande, soit Mahat. Mais juste avant, nous avons eu ce bloc d'entrée qui était constitué de ce qui suit avant cette pause musicale, la formation belge Aborted et la pièce The Extirpation Agenda, que l'on retrouve sur la dernière parution, cette formation parue un peu plus tôt ce printemps, sur l'étiquette Century Media, soit Democratic Manifesto. Sinister, formation death metal des Pays-Bas, formation que j'aime beaucoup, et une pièce tirée de leur dernière parution, soit The Heart of Skin Decoration. Et parenthèse, je peux vous affirmer que je vois certains personnages qui ne possèdent pas cet art à l'occasion. C'est tiré de Post-Apocalyptic Servant, c'est paru sur Massacre Records cette année également. Autopsy, une vieille formation américaine qui existe depuis 1987. Pièce tirée de la dernière parution également, la pièce Savagery, qui est la pièce d'ouverture de Tourniquet, AXA and Graves, parue sur Peaceville. Autopsy, une formation qui vient de Californie, existe depuis 87, n'a quand même qu'à son actif que 7 albums complets studio. En fait, il faut savoir qu'ils ont pris une longue pause de 95 à 2008, soit 13 ans, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de sorties pour une formation qui existe quand même depuis 27 ans. C'est pas la formation que je préfère. Je trouve qu'ils ont fait des trucs intéressants, généralement parlant. En survol de discographie, jamais des albums complets m'ont captivé. Par contre, celui-là, je dois dire que Tourniquet, AXA and Graves, il est pas mal. Juste auparavant, nous avions Massacre et la pièce titre de leur album Back From Beyond. C'est également une dernière parution de cette formation. C'est paru sur Century Media. En fait, le bloc est constitué uniquement de dernières parutions. Et on a ouvert ce bloc avec Vedder et l'excellente pièce The High of the Abyss que l'on retrouve sur l'album TB Het Inni qui est paru sur Nuclear Blast. Cette semaine, j'aurai une chronique, je dis bien une chronique maigrichonne au niveau musical, au niveau de nouveautés, plus précisément, une petite chronique cinématographique parce que, en ce qui concerne le musical, c'est assez pauvre présentement en ce qui concerne mes goûts personnels. Et au niveau du cinéma, j'ai manqué de temps, donc j'ai pas écouté nécessairement ou exploré tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Par contre, chose importante cette semaine, c'est la présentation de l'album marquant. Et je l'explique à tous les fois et je vais le refaire encore ce soir. L'album marquant, faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas un album marquant pour l'ensemble des amateurs de métal. Il se peut que ça rejoigne certains d'entre vous, mais c'est un album marquant pour moi, bien sûr. C'est un album que je choisis mensuellement et qui aura contribué à me faire à entretenir mon engouement et mon intérêt pour la musique métal sur à peu près tous les styles. Et ça date depuis bien longtemps parce qu'il faut se dire qu'à 666 ans, le métal, là, c'est un grain de sable. C'est une goutte d'eau dans l'océan comparativement à tout ce que j'ai pu voir comme évolution musicale, mais étant un amateur de musique depuis bien longtemps et ayant connu l'arrivée de ce mouvement, je vais chercher des trucs qui sont tantôt plus anciens, plus vieux, mais aussi des choses, je l'ai fait il y a, je pense, c'est l'avant-dernière présentation ou la dernière que j'ai fait, je ne suis plus certain, c'était un album de Legion of the Damned, et on s'entend que on parle d'un album ici qui était, je ne m'abuse, de 2008 ou quelque chose, donc je me promène dans le temps, ce sont des albums qui peuvent me marquer encore aujourd'hui au niveau des nouveautés, mais souvent ce sont des albums qui m'ont marqué dans le passé, et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on parle d'un album de 1988, qui est de la formation suisse Coroner. Ce qu'il faut savoir avec Coroner, pour faire un tour de table assez rapidement, c'est que c'est une formation qui a vu le jour officiellement en 1983, mais qui ont été beaucoup plus productifs à partir de 85. Et c'est une formation qui a été instigée, initialement par un des membres fondateurs encore aujourd'hui de Coroner, qui est Marky. En fait, de son vrai nom, c'est Marky Marcus, ce n'est pas son vrai nom, je vous donnerai leur vrai nom tout à l'heure, et qui, à l'époque, jouait avec un autre membre qui n'a pas suivi la formation, qui a aussi eu en premier démo Death Cult, le vocal fait par Thomas Gabriel Warrior de Celtic Frost aussi. Il faut savoir que Tom Warrior n'a jamais fait partie du groupe en tant que tel. Il n'était qu'un, ce qu'on appelle un guest musician, guest vocalist, parce que dans les faits, Coroner était road crew pour la tournée de Tragic Serenade de, en fait, je dis deux membres de, soit Tommy et Marky, étaient road crew pour la tournée Tragic Serenade de Celtic Frost. Et, ceci étant dit, il semblerait, c'est un peu nébuleux, mais il semblerait qu'ils auraient demandé un certain appui à Tom Warrior, qui déjà avait commencé à avoir une certaine notoriété avec Celtic Frost, et que celui-ci aurait, pas vraiment poussé la chose. Donc, ils se sont dit un peu frustrés. On travaillera pas pour toi comme ça longtemps. On va te prouver que notre formation peut être encore supérieure à la tienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis qui sont partagés au niveau de cette, si on veut, compétition entre ces deux formations-là. Personnellement, je dirais au niveau de la technique, au niveau de la qualité de la recherche musicale, je donne 100 000 à l'heure le crédit à Coroner parce qu'ils sont de loin meilleurs musiciens. Ils sont, je trouve, aussi meilleurs compositeurs. Par contre, il faut dire que Celtic Frost misait beaucoup sur ce qui se dégageait le mood en bon français de leur musique qui est quand même assez efficace. Donc, mais tout ça pour dire que la formation a vraiment vu le jour officiellement en 83, mais c'est en 85 vraiment que la formation que l'on connaît avec Ron Royce, Tommy C. Byron et Marky Marcus avait vraiment vu le jour et qu'ils ont sorti en fait 5 albums complets studio qui sont ceux-ci en 1987 R.I.P., 88, celui auquel je m'adresse ce soir, Punishment for Decadence. En 89, No More Color. Petite anecdote, No More Color. Ce mois-ci, le 18 septembre dernier, c'était le 25e anniversaire de sortie de cet album, qui est excellent, soit dit en passant. Et anecdote intéressante aussi, c'est que mon ami, le Elborg Tower, a mis en ligne une photo de son chat, le chat de sa copine, plutôt. Et en avant-plan, l'album No More Color, il a mis ça en ligne et ça a fait le tour. Et il y avait même eu un reply de Coroner comme de quoi qu'il semblait aimer la chose. Donc, c'est fort intéressant. Je trouve ça vraiment cool que Tower ait fait ça. Suivi en 91 de Mental Vortex. Et pour conclure leur discographie officielle, en 93, Grin. En 95, pour mettre fin à leur contrat qu'ils avaient avec Noise Record, parce qu'ils ont été avec Noise tout au long de leur carrière, ils sortaient un album qui portait simplement le nom de Coroner, qui était une forme de compilation, mais qui aussi présentait des inédits. Donc, c'est bien quand même, il y a d'excellentes choses sur cet album. Donc, Coroner a mis fin à ses activités en 96, précisément, de façon drastique. Et puis, il n'a jamais été question que la formation revienne. Ils ont été souvent courtisés par plusieurs promoteurs, par plusieurs compagnies pour remettre ça. Ils ont toujours refusé jusqu'à ce que le Hellfest annonce que pour 2011, il y aurait une prestation de Coroner. Mais encore là, selon les dires des membres du band, il était absolument pas question de reformer le band. Il était simplement question de faire une seule unique prestation pour se faire plaisir aux fans, parce qu'ils ont toujours un grand respect de leurs fans. Mais de fil en aiguille, on apprend, en date d'aujourd'hui, on sait que la formation existe toujours, qu'ils ont demandé après les Hellfest d'avoir, et c'était possible d'avoir d'autres dates pour se produire dans des spectacles, dans des festivals, et ainsi de suite, ce qui a été fait. Il n'est pas encore question de revenir en studio, mais je pense que ce n'est qu'un processus qui est amorcé, qui doit mûrir, parce que je n'ai pas l'impression que les gars ont décidé de raccrocher leur guitare encore pour longtemps. Ce qui serait une bonne nouvelle en soi s'ils ont gardé la même philosophie musicale qu'ils avaient à l'époque. Donc, Coroner existe toujours. Mon album préféré de leur discographie est évidemment Punishment for Decadence, comme je l'ai dit, qui est paru en 88. Un album qui, quand même, dégage beaucoup techniquement. C'est un trash technique. C'est un trio, c'est un power trio qui, chacun des musiciens est excessivement performant et qui complète très bien les autres. Donc, on n'a pas l'impression d'assister à une formation qui donne vraiment un trio. On a l'impression d'écouter, pas d'assister, mais bien d'écouter un band qui sont minimalement 4, peut-être des fois 5. Donc, je vous propose 5 pièces incluant la très courte introduction à cet album. Punishment for Decadence, on va entendre Absorbed, Masked Jackal, Heartlight et Skeleton on Your Shoulder. Coroner, go!

C'est fou. 89.1. Quand on sait que 55% des jeunes de 5e secondaire travaillent et que 43% des élèves du secondaire considèrent le travail aussi important que les études, c'est essentiel de trouver le bon équilibre pour les étudiants, mais aussi pour les employeurs. Saviez-vous qu'au-delà de 20 heures de travail par semaine, le risque d'abandon scolaire augmente considérablement? Il existe 5 règles d'or pour favoriser une bonne conciliation études-travail. Pour les découvrir, visitez le soyonscompères.com. Un horaire équilibré, c'est sensé. Chaque lundi soir, 19h, Frédéric Durand vous présente des figures marquantes et moins connues du rock psychédélique et artistique des années 60 à aujourd'hui. Des chroniques littéraires et cinématographiques viennent également agrémenter cette émission qui souhaite poser un regard critique sur les genres qu'elle aborde. Le voyage insolite, tous les lundis soirs, 19h. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les bonnets rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est fou, le radio campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. 20h06, vous êtes toujours à l'écoute du Undead Incorporated Show Réanimation. En ma superbe compagnie, soit le Dr. Payne Pendragon. Et avant cette pause publicitaire, on a entendu, vous avez eu un bonus? Oui, effectivement, j'ai décidé de vous inclure un bonus qui était Silent Fall. C'est tiré de l'album Punishment for Decadence de la formation suisse Coroner. Donc, j'ai rajouté ce petit bonus à la dernière minute parce que je trouvais que c'était un peu cheap de compter 5 pièces, dont une intro de 12 secondes. Puis Silent Fall est une de mes préférées de cet album. Donc, vous avez eu Silent Fall en bonus. C'était précédé de Skeleton on Your Shoulder, la pièce instrumentale Heart Light, dans laquelle on peut voir quand même les attributs musicaux et de capacités techniques de ces trois musiciens. Qui, soit dit en passant, ont souvent été, musicalement parlant, ont été comparés, je dis souvent, à maintes reprises pour le moins, avec Megadeth. Chose que je ne trouve pas étrangère, en fait, de comparatif entre les deux, parce que les deux sont des formations qui donnent dans un trash metal, ben, technical trash metal, si vous voulez. Par contre, personnellement, je préfère la subtilité de Coroner et je préfère de loin le vocal de Coroner, bien entendu. Juste auparavant, nous avions Mask Jackal, Absorbed et cette fameuse intro de 12 secondes qui porte le titre original de intro. Je parlais du vocal de Coroner que je préfère à celui de Megadeth, c'est un fait. Par contre, vous avez dû remarquer ici que cet enregistrement-là pour Punishment for Decadence met en retrait le vocal, ce que je trouve un peu déplorable, parce que... L'un bon vocal, Ron Royce, de son vrai nom, Ronald Brother, qui est aujourd'hui âgé de 49 ans. Les membres sont aussi, bien entendu, Ron Royce, Tommy T. Byron, qui porte le vrai nom de Thomas Viterli, qui, lui, a 47 ans. Et aujourd'hui, en fait, depuis cette année, le batteur est Diego Rapacietti, qui fait partie des formations que je ne connais pas, 69 Chambers, Charlie Sahoma, Paganini. Ben, je connais Paganini, mais j'ai d'autres fois qu'il ait joué avec le vrai. Silent Memorial et Venturia. Je ne connais pas. Ce qui signifie que Marky Marcus n'est plus avec la formation. Du moins, est-ce que ça, c'est simplement parce que les membres ne font que du live et puis que Marky Marcus avait décidé lui simplement de vouloir faire du studio aussi, je ne le sais pas. Chose certaine, de son vrai nom, en fait, Marcus Edelman, joue aussi les batteurs pour la formation Apollyon Sound, formation suisse également, qui a été fondée en 1995, les batteurs, oui, parce qu'il ne l'est plus, qui a été en activité de 95 à 2007 et qui a mis aussi en action dans cette formation Thomas Gabriel Fisher, Tom Warrior de Celtic Frost. Bref, j'espère que cela vous a plu parce que moi, c'est toujours un grand plaisir de réécouter du Corona. Ils font partie de mes formations fétiches au niveau du métal et je trouve que ça vieillit très bien. Chronique musicale, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va être assez maigrichonne. Je peux vous rappeler que le 10 octobre prochain, c'est la sortie du nouvel album d'Exodus, que le 27 octobre, le nouvel album d'Obituary sera disponible aussi, et que At the Gates, le 27 octobre aussi, nouvel album pour cette formation qui donne dans un death mélodique, si on veut, mais c'est une des rares formations que je trouve intéressante dans ce style. Quand ils décident de coquiner le mot mélodique à death metal, généralement, j'aime pas vraiment ça, mais ici, je trouve ça quand même correct. La seule entrée que j'ai cette semaine est le nouvel album de la formation britannique qui donne dans un Doom Storm Metal, soit Electric Wizard, l'album étant Time to Die, album qui est paru hier, qui est disponible en CD et en LP, en vinyle si vous préférez. J'ai fait la chronique sur le site de réanimation, mais je ne le présenterai pas en réanimation. En fait, c'est très lourd, c'est très très lourd, évidemment. Electric Wizard, il y a même des petits éléments psychédéliques qui s'intègrent à leur musique, c'est très lourd, c'est du Doom, oui. Pourquoi on lui donne les qualificatifs de stoner, c'est qu'à certains moments donné, on retrouve des riffs qui sont effectivement un peu plus, je dirais, musclés, entre guillemets, si le terme s'applique. Mais c'est une musique qui est très funeste, qui est très downbeat, qui est très à la fois, je dirais, c'est une musique... si je pouvais m'exprimer et donner un qualificatif, c'est une musique pas mal droguée, je trouve. C'est bien. J'aime certaines choses d'Electric Wizard. J'ai aimé beaucoup le prédécesseur en 2010, Black Masses. J'ai trouvé l'album fort intéressant. Même à l'époque, Sinistro s'en passait assez régulièrement. Celui-là, Time to Die, je lui ai donné un 6.5 sur 10. Il y a vraiment trois tunes que je trouve vraiment excellentes dessus. Mais je trouve que la qualité de production, je la trouve quelque peu étrange. Encore, je parlais tout à l'heure de vocal mis en retrait avec Coroner. C'est le cas avec cet album de Electric Wizard. Le vocal est très en retrait parfois. Je le considère quasiment inaudible. Mais c'est correct. 6.5, ce n'est pas une note massacrante, ce n'est pas une note élogieuse, mais c'est une note correcte. Pourquoi je le présente pas ici à réanimation? Ben, c'est simple, c'est parce que je vais le présenter Rock Classic. Effectivement, je le présente ce vendredi, soit le 3, oui, le 3 octobre à Rock Classic, je vais le présenter. Parce que je trouve que Rock Classic a un éventail de genre musical un petit peu plus élargi que le mien. Et le Doom à réanimation, des fois, je trouve que ça peut détonner beaucoup par rapport à ce que je programme généralement. Donc, on va faire ça à Rock Classic. D'ailleurs, il y aura d'autres albums qui vont se présenter ce vendredi à Rock Classic avec le Rockmaster, notre dernier album de Riot. Je les oublie, je les ai pas amenés avec moi, mais vous pourrez aller sur le site de C'est Fou, parce que je pense que s'il n'est pas en ligne présentement, probablement que demain, l'annonce pour Rock Classic va être en ligne. Vous allez voir le détail de ce qu'on va vous présenter. Autre chose intéressante qui se rapproche à grands pas, en plus de l'automne bien entendu et de l'hiver, c'est que le samedi 11 octobre aux Catacombes, coopérative Les Catacombes à Montréal, c'est lancement du livre que j'ai vraiment hâte de lire aussi honnêtement, L'évolution du métal québécois, qui est un livre de Félix Bédéfossé, qui est journaliste à Radio-Canada et qui s'intéresse beaucoup à la musique métal, mais qui semble avoir un intérêt particulier au métal des années 80 du Québec. D'ailleurs, son livre se consacre à cette passade du métal. Donc, c'est le lancement aux catacombes de ce livre. Lancement qui aura lieu la veille aussi à Québec. Je ne suis pas certain que ce soit l'agité ou quelque chose du genre, mais peu importe. Bref, ça risque d'être fort intéressant. Et le vendredi 10 octobre, ici même à Rock Classic, à Cifou, à 13h30, nous recevrons le Rockmaster et moi, deux invités, soit Félix Bédéfossé et... ainsi que Ian Campbell qui nous a présenté, bien entendu. Donc, nous aurons un studio et puis ils vont nous pouvoir nous... parce que Ian est un collaborateur très proche de Félix Desfossés pour cette parution. Donc, on va pouvoir avoir... On va pouvoir tâter leur pouls, pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont poussé à faire cet ouvrage et ainsi de suite. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Le lancement, comme je le disais, c'est le samedi 11 octobre à Montréal. Il y en a un à Québec aussi, l'avant-veille, je crois, le 9, si je ne m'abuse. Mais à Montréal, au Catacombes, c'est le samedi 11 octobre. Et Voivod se produira live sur scène et ne feront que de leur répertoire des années 80. Il y aura aussi DJ Satanique qui sera là pour passer la musique des années 80, spécialement les formations québécoises. Donc, ça risque d'être fort intéressant comme petite réunion. Il y a probablement des vieux de la ville qui vont se retrouver là, qui se sont perdus de vue depuis bien des décennies. Ça va être un événement à ne pas manquer, j'en suis certain. Côté musique, je l'ai dit, Electric Wizard, c'est à peu près la seule chose de laquelle je voulais parler cette semaine. Je me suis pas attardé à grand chose d'autre. Il y avait pas vraiment grand chose qui me plaisait. Ça arrive des semaines comme ça. Côté cinéma, c'est un petit peu plus garni, mais en fait, on en fera pas, on en comblera pas notre grosse dent non plus. Parce que j'ai vu quelques trucs seulement qui sont corrects, mais y a rien qui m'a fait me tirer sur les murs. Le film Scintilla, qui porte aussi le nom de Hybride, qui est un film, en fait, c'est un film britannique, mais je suspecte fort qu'il y a une collaboration bolchevique avec ça, parce que, les films russes ont une présentation d'image qui est très particulière et j'avais tendance à la retrouver à l'intérieur de Scintilla ou Hybride, si vous voulez. Bref, c'est un film de science-fiction. C'est un thriller science-fiction qui est signé Billy O'Brien, que je ne connais pas du tout, qui mettait, il doit le mettre encore, j'imagine, si le film existe toujours, là. John Lynch. John Lynch, c'est quelqu'un que j'ai vu dans quelques films. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui a un côté, je dirais, comment je pourrais dire, il y a une dose d'originalité. Il y a une dose d'originalité dedans. Parce que ça raconte l'histoire d'un commando de mercenaires qui doit se rendre en ex-URSS, ben voilà, peut-être, hein, et qui doivent démanteler un laboratoire d'un chercheur qui s'avère être une chercheure, de l'enlever, de voler ses recherches qui sont, semble-t-il, elle a eu carte blanche et ses recherches sont quelque peu nébuleuses et on se rend compte qu'elle travaille directement sur la génétique à partir de cobayes et elle en fabrique des hybrides, voilà, qui sont mi-humains, mi-inconnus et qui en résulte des créatures assez particulières qui ont un aspect généralement assez humanoïde, mais leur système de respiration est tel que celle des poissons et leurs yeux sont de multiples petites lentilles. En fait, ça rappelle des lentilles et ils ont une vision kaléidoscopique. Ils sont franchement bizarres et voire même très agressifs par moments et surtout très imprévisibles. Donc, ça en fait un film qui est intéressant, qui est divertissant pour le moins, avec, comme je le disais, une dose d'originalité, une certaine tension qui s'en dégage. J'ai été intéressé par le film. Je lui ai donné un 7 sur 10. C'est pas un film que je vais avoir l'intention de revoir avant un certain nombre, peut-être même jamais. Mais c'est intéressant, c'est divertissant. Donc, Scintilla, mais il porte aussi le nom d'Hybride. Autre truc, finalement, je me suis donné un coup de pied au derrière et je me suis dit, bon, ben, je vais l'écouter, le Pacte 2, The Pact 2, qui est un film d'horreur et qui est franchement plate. Au départ, quand le sujet est une histoire de tueur, de serial killer, de tueur en série, je débarque un petit peu. J'ai eu la phase que j'ai aimée il y a bien longtemps avec les Halloween, avec les Friday the 13th. En fait, je les écoute encore à l'occasion, mais je les écoute plus pour rire qu'autre chose, là. Mais c'est très redondant, ce genre de film-là. Ça devient très peu original. Et en plus, The Pact 2 est excessivement ennuyant. C'est très long. Il n'y a pas de tension qui monte. C'est un film qui est moche. Donc, honnêtement, j'ai vraiment détesté le film. J'ai donné un 0 sur 10, puis je vous conseille vraiment pas de le voir. C'est pas très... Ben, c'est, en fait, c'est pas bon. Autre truc, The Rover. Je voulais le voir depuis longtemps. J'avais pas eu l'occasion de le voir. C'est un drame. Je trouvais que ça pouvait peut-être être intéressant, que, bon, c'est un... C'est une histoire d'effondrement d'économie occidentale, ainsi de suite, les conflits qu'il y a, ceux qui se débattent pour être capables de survivre, de continuer à créer une économie. Je trouve que ça pourrait avoir un intérêt. Ben, c'est vraiment plate et c'est vraiment long. Puis c'est moins plate que The Pact 2, par contre, parce qu'il se mérite un 3 sur 10, mais honnêtement, j'ai trouvé vraiment le temps long. Et quand le film s'est terminé, je me suis dit, ben, je viens de perdre pas mal de mon temps à faire autre chose de plus intéressant. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dur de le savoir avant la fin du film. Le film que je vous propose de revoir ou de découvrir cette semaine, c'est un film relativement récent de 2009 qui est signé nul autre que Guy Ritchie, qui est un cinéaste vraiment bon et qui met en vedette nul autre que deux excellents acteurs qui sont Robert Downey Jr. et Jude Law. Ce Britannique de Jude Law qui est vraiment, je dirais, polymorphe dans ses rôles, et Robert Downey Jr. qui est très intense. Il s'agit de Sherlock Holmes, le premier chapitre de Sherlock Holmes que Guy Ritchie a sorti en 2009, qui est un film d'action, d'aventure, et qui met en scène un personnage de Sherlock Holmes qui est complètement éclaté, mais qui en même temps révolutionne un peu le mythique personnage de Sir Arthur Conan Doyle, dont je suis un fan. Conan Doyle, oui, mais particulièrement Sherlock Holmes, et qui, c'est un Holmes Revisited qui est vraiment, vraiment bien. C'est un film auquel je donne un 9.5 sur 10, qui est un film que je me plais à revoir régulièrement. Sherlock Holmes 2009 de Guy Ritchie, c'est un film que si vous avez passé à côté de ça, là, dépêchez-vous de corriger ça, là, puis écoutez-le, ça presse, c'est excellent. Voilà. Deuxième présentation de ce soir, il s'agit d'un... Ben, c'est une nouveauté, oui, effectivement, parce qu'elle est parue en mai dernier. Je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Je l'ai découverte récemment, il y a à peine, je crois que c'est 2 semaines ou 3 maximum. C'est grâce à mon ami Sinistros qui m'a dit « Il faut absolument que tu écoutes ça. Je suis certain que tu vas aimer ça. » Il s'agit de Mahat, qui est une formation... allemande de Berlin qui donne dans un death metal conceptuel et qui se rattache à l'ancienne mythologie égyptienne. Ce qu'il faut savoir de Mahat, c'est le nom de la déesse de l'ancienne Égypte qui, pour l'équilibre humaine, l'équilibre du monde, la justice, et ainsi de suite. Donc, une déesse, semblait-il, à premier abord, qui avait de bonnes vertus. C'est un quintet qui en sont à leur premier album complet studio. Ils avaient un EP qui est paru en 2010 qui porte le nom de Born in the Sand. Fait-on allusion aux rives du Nil? Je suppose que oui. Le premier album complet s'intitule As We Create the Hope from Above, qui est un album qui, moi, m'a, comme je le disais, m'a vraiment plu. C'est un album auquel j'ai attribué un 8 sur 10. C'est un death metal par moments assez brutal, faut-on le dire, mais en même temps excessivement bien fait. Je vous propose 3 pièces de Mahat qui sont la pièce titre As We Create the Hope from Above, Shards of Osiris et Sobek. Mahat, go!

diversité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Ah, shit! J'ai encore coulé mon stage. C'est la deuxième fois. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 6 octobre, venez voir les Oranges et les Bleus s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Ça fait un certain temps que tu bûches sur tes études. Tu finis ton certificat, ton bac ou ta maîtrise en juin 2015. Procure-toi ton guide de survie à la diplomation et participe aux activités organisées par le Bureau des diplômés de l'UQTR. 18 000 $ en prix à gagner. En tout, 9 mois d'activité, une par mois durant toute l'année scolaire. Pour plus d'infos, uqtr.ca/diplôme/guide de survie. Première activité, concours de selfie UQTR, du 15 septembre au 17 octobre. Seul ou avec d'autres finissants de l'UQTR, prends-toi en photo sur le campus avec le logo de l'UQTR et publie ton selfie sur Facebook dans la page des diplômés UQTR en indiquant ton nom et ton programme d'études. Cours la chance de gagner un des trois prix de 200 $ parmi tous les égaux portraits reçus. Vite! Mets la main sur ton guide de survie à la diplomation. Fou de diversité. C'est Fou 89.1. Et l'émission tire tranquillement vers sa fin. On vient d'entendre la formation allemande Mahat et la pièce. Et des extraits de l'album As We Create the Hope from Above qui est paru en mai dernier, soit le 2 mai dernier, qui apparaît sur Oral Attack Productions en tant qu'étiquette. On a entendu les pièces suivantes, Sobek, Shards of Osiris et As We Create the Hope from Above, qui est la pièce titre de cet album, auquel j'ai accordé un 8 sur 10, et je trouve que c'est vraiment très bien, c'est bien fait, c'est, en tant que death metal, bien entendu, c'est pas de la musique symphonique, loin de là, mais il reste que c'est une bonne qualité de death metal, et il y a de plus en plus de formations qui optent vers un concept. C'est souvent d'ailleurs un concept qui vient de l'Antiquité, et même plus loin. Et je trouve que ça donne une teneur intéressante, un peu comme Nile l'ont fait souvent. Ils le font aussi encore. Et en fait, c'est le principe d'adapter un concept devient des fois plus... permet de pousser les choses un peu plus loin au niveau du contenu. La semaine prochaine, il n'y a pas de présentation particulière. C'est une émission tout ce qu'il y a plus régulière. Encore si le terme s'applique, bien entendu. Mais on va retrouver, bien entendu, d'excellents choix métalliques et des chroniques, comme je le fais tous les semaines, à 9h, demain matin, mais bien à 21h ce soir. Restez à l'antenne pour l'émission qui me succédera, soit Progression Chaotique. Très bonne émission qui donne principalement plus dans un métal progressif. On va conclure cette émission avec, probablement trois pièces, si le thème le permet, si je me ferme la trappe, qui seront respectivement Destrage, une formation italienne qui donne dans un métal assez éclaté par moment. J'avais déjà présenté l'album de Destrage, qui « Are You Kidding Me? No ». Bref, moi je trouve ça assez intéressant, ça fait très différent. La pièce est My Green Neighbor. On va poursuivre ça avec Avalon Fire et la pièce Bereft tirée du dernier album Splinter. On va essayer de se rendre jusqu'à Septic Flesh, une pièce tirée du dernier album Titan, la pièce étant War in Heaven. Et n'oubliez pas que ce vendredi dès 11h, c'est Rock Classique en compagnie du Rockmaster René Lefebvre et moi-même. Nous avons une multitude de choses intéressantes à vous proposer cette semaine, des nouveautés, mais aussi le meilleur du rock, bien entendu. Donc, sur ce, je vous laisse parce que si je reviens en onde, on va devoir couper une pièce, ce qui vous tente sûrement pas. Donc, allons-y avec The Strange, Valenfire, Septic Flesh. Et comme le dirait si bien celui-ci, Gustave disait que la musique est à l'âme ce que la nourriture est au corps. Non, c'est pas ça, Gustave. Ah, ben, c'est pas très gentil. Gustave dit que ma musique est à l'âme ce que la mauvaise nourriture est au corps. La gastro. Va te faire foutre, Gustave. Go!